Bonsoir à tous et bienvenue à cette dernière édition du journal Parler langue française de ce samedi 27 octobre 2018, dont voici d'abord les grandes articulations. Marie-Louise Valichako dit qu'il n'y a pas encore eu de vrai dialogue à Arusha en un cinquième round, quoique certains partis politiques aient répondu à l'invitation de Mukapa, car, précisait-elle, les partis au conflit ne se sont jamais rencontrés. Vous l'entendrez dans ce journal avec la présidente du Forum des filles et femmes pour la paix au Burundi et pour l'analyste Tassien Keshimana, quoique son mandat soit long, la commission vérité et réconciliation pourra aboutir à la vérité recherchée sous différents crimes commis au Burundi, ce qui servira de base pour les écrivains et chercheurs dans ce domaine. Et les gens sont priés d'apprendre leur vécu au quotidien par écrit pour que les générations futures puissent connaître la réalité du passé. Propos d'Aloïse Batungwanay aujourd'hui lors de la publication du livre Réconciliation régionale, défis et opportunités dans la région des Grands Lacs. Et à la fin du journal, vous aurez la chronique Arrêt Culture sur la peinture. Richard Kouberguilachou à la présentation de ce journal et Benoît Molchonzi assure la mise en onde. Bienvenue encore. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons ce journal par la page politique. Il n'y a pas encore eu lieu en vrai dialogue à Arusha dans cette période où certains politiciens burundais ont répondu à l'invitation du facilitateur. Propos de la présidence et du Forum des filles et femmes pour la paix au Burundi. Pour Marie-Louise Valichako, on ne peut même dire qu'il s'agit d'un cinquième round de dialogue puisque les partis au conflit ne se sont jamais rencontrés. Elle en appelle à l'ONU et à l'Union africaine de revoir leur rôle dans ce processus. Suivez. Les chefs d'État de la région lui avaient bien signifié que cette session serait la dernière, la cinquième et la dernière. Si c'était la dernière session, alors qu'il n'y a jamais eu de session véritablement de dialogue, est-ce que ça veut dire que East African Community se défait du dossier du Burundi ou est-ce qu'il y a une autre formule qu'ils sont en train de considérer? Parce que la crise n'aura pas résolu parce qu'il y a eu cette session, même si le gouvernement était venu. On ne peut pas résoudre toute cette crise en une semaine, alors qu'on a fait toutes ces années à essayer, ça n'a pas marché. Nous sommes là pour donner nos contributions en tant que femmes. Nous sommes aussi là pour veiller à ce que la solution qui va être trouvée, c'est une solution qui privilégie principalement l'intérêt du Burundi et des Burundais. Pas les intérêts des individus, pas les intérêts des partis particuliers, mais les intérêts supérieurs du Burundi. C'était la voix de Marie-Louise Barichako. Elle est la présidente du Forum des filles et femmes pour la paix au Burundi. À Arusha, c'est prévu que l'équipe est sur place et donne un rapport au facilitateur Mukapa ce samedi ou dimanche. Il leur a demandé d'élaborer une feuille de route qui conduira aux élections réussies de 2020. Mais le parti parrainat trouve qu'au moment où l'autre parti ne veut pas discuter avec les autres, cette feuille de route n'aura pas raison d'être. Suivez Zenon Imubona, il est président du parti parrainat. La proposition de mise en commun des feuilles de route de Kayanza et d'Entebbe n'a de sens que quand les partis ont envie de produire un document unique qui a la valeur d'un accord historique. Maintenant que les partis ne parviennent pas à s'asseoir ensemble pour faire une synthèse des deux feuilles, ça n'a pas de sens parce que ça s'adresse à qui? Pour en faire quoi? Dans un système de négociation, quand une partie ne se présente pas, c'est également un message. Et donc, un message compte dans le processus. La feuille de route de Kayanza, c'est une proposition d'une partie. Pour le parrainat, une feuille de route, on en avait même signé une autre en 2013 qui devait conduire aux élections de 2015. Ça n'a pas été suivi. Alors, maintenant, donner une chance à celle de Kayanza d'aujourd'hui, alors que même les auteurs ne veulent pas venir en discuter avec les autres, je trouve que c'est sans lendemain, cette feuille de route. C'était Zenon Imubona, il est président du parti parrainat et il est à Arusha. Le dialogue inter-burundais qui se tient actuellement à Arusha, à l'absence du gouvernement burundais, se considère comme un simple entretien entre certains politiciens et le facilitateur, selon Kassim Abdoul, président du parti UPD Zigamibanga. Il explique qu'il n'avait pas raison d'y participer puisque le gouvernement était absent alors que toutes les doléances des politiciens doivent être répandues par celui-ci. Kassim Abdoul ajoute que cette absence du gouvernement n'aura pas de conséquences puisqu'il a déjà donné sa raison au facilitateur. Suivez Kassim Abdoul au téléphone de Vestine Boutoy. de dialogue interburundais qui se tient actuellement à Arusha. Nous pensons qu'il s'agit plutôt de consultations entre certains politiciens et le médiateur. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne participe pas. Or, toutes les déviances et toutes les revendications que les hommes politiques et les femmes politiques sont les adresses au gouvernement, c'est le gouvernement qui doit les mettre en application. Nous pensons que donc pour le moment, il n'y a pas de dialogue à proprement parler parce que tous les partenaires qui concernés par ce dialogue ne sont pas présents. Du fait que le gouvernement burundais n'est pas présent dans ces dialogues, y aura-t-il des conséquences? Nous pensons que actuellement, pour le moment, il n'y a pas de conséquences parce que je crois qu'il y a eu seulement un problème de calendrier. Le gouvernement n'a pas dit qu'il ne participerait pas à ce dialogue, mais seulement un ajustement de calendrier parce que pour le gouvernement, le mois d'octobre, c'est un mois de deuil. Alors, je crois que le moment où la facilitation et le gouvernement vont se convenir sur un calendrier qui arrange tout le monde, je crois que le dialogue aura lieu. Alors là, tout le monde, tous les participants pourront être là et on va parler des élections de 2020. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certains politiciens ou ceux qui sont dans les sociétés civiles et qui sont en exil et qui affirment que jusqu'à maintenant, les dialogues inter-burundais n'ont pas eu lieu. Et à ton avis, pourrait-on recommencer à zéro ou continuer les dialogues qu'on a déjà commencés? Non, je crois que le dialogue a déjà commencé. Il y a une première session, une deuxième session, une troisième session jusqu'à une quatrième session au mois de novembre et décembre de l'année passée, 2017. Aujourd'hui, ce qui était prévu, c'est la cinquième session. Nous pensons que et à la dernière session, on avait déjà franchi un pas énorme parce que le facilitateur nous avait présenté en condensant des points de convergence et des points de divergence. Nous pensons alors qu'il reste seulement une dernière session pour conclure, pour se convenir finalement sur un document final qui nous conduirait aux élections 2020. Nos excuses pour cette qualité sonore, c'était Kassim Abdoul, président de l'UPD Zigamwanga. Il a été joint au téléphone par Vestine Wutoy. Captez Isanganiro, écoutez la différence. De la politique à l'analyse des lois, l'Assemblée nationale a voté jeudi un nouveau projet régissant la commission Vérité et Réconciliation, lequel projet étant le mandat d'enquête qui passe de 46 ans, de 1962 à 2008, à un peu plus sûr de savant, de 1885 à 2008. L'analyste Tassien Keshimana, qui suit de près les questions liées aux conflits dans les sociétés, trouve son mandat long, mais cela n'empêche pas la CVR de faire de son mieux pour aboutir à la vérité recherchée sur différents crimes et tout ce qu'elle produirait servirait plutôt de base pour les écrivains et chercheurs dans ce domaine. Suivez-le au micro de Léonce Bitalio. Je me dis que pour le cas du Burundi, c'est vrai, nous n'avons pas beaucoup de publications qui couvrent la période coloniale, mais quand même, il y a certaines publications qui forment une base qui nous dit personnellement qu'il y a eu des cas de violation des droits humains qui nécessitent une certaine enquête pour approfondir les enquêtes et faire jaillir la vérité. Donc, si le mandat de la commission a été élargi à cette période, moi, je me dis que c'est une bonne chose qui va faire que les chercheurs, les historiens qui veulent approfondir leurs recherches, leurs publications sur cette période, puissent aussi se référer aux documents, aux découvertes qui seront faites par la CVR. La CVR, elle peut prendre combien de temps pour donner une certaine vérité sur les crimes qui ont eu lieu? Le temps que la commission peut prendre, je ne peux pas vraiment le préciser. Ça dépendra justement des événements ou bien des données que la commission aura à analyser. Mais l'expérience provenant d'autres commissions Vérité et Réconciliation prouve bien que de telles commissions n'ont pas vraiment abouti directement à la vérité reconnue par tous, mais ces commissions forment une sorte de base, puisque les données qui sont collectées ou bien les informations auxquelles cette commission accède aident d'autres chercheurs à approfondir les recherches. C'est pas vraiment à la commission Vérité et Réconciliation de faire toutes les recherches et de faire éclater toute la vérité en une période de 5 ans ou 6 ans. L'analyste Tassien Keshimana a été joint au téléphone par Laurence Vitalio, comme je vous le disais, de la justice transitionnelle à la publication des livres. Les Burundais souffrent d'une maladie qu'ils ignorent et qui est la mémoire blessée. C'est le constat du représentant légal de l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux, Amepesi Girubuntu. C'était ce jeudi, lors de la publication du livre « Réconciliation régionale, défis et opportunités dans la région des Grands Lacs ». Aloïse Batungwanayo explique que souvent, les gens se transmettent la mémoire littérale qui prépare à se venger. Il dit qu'il faut que les personnes apprennent à traduire par écrit leur vécu quotidien, en fait que les générations futures puissent connaître la réalité du passé. Suivez-le au micro de Gertrude Maudayo. La situation de la mémoire au Burundi est une situation très critique. Je dirais que c'est comme une endémie, malheureusement, dont les Burundais ignorent. C'est la mémoire blessée dont j'ai voulu parler. Aujourd'hui, tu trouveras à Mututsi ou à Muhutu ou à Mutwa, même s'il n'a jamais perdu aucun membre de la famille, la personne va te dire, c'est long qu'il est Hutu, Tutsi. Tu sais, en 1972, nous avons été exterminés. Là, c'est à Mutu. Et pourtant, elle n'a jamais perdu aucune personne de sa famille. Tu trouveras à Mutu aussi, va te dire, tu sais, en 1993, nous avons été exterminés. Alors qu'elle n'était même pas au pays. Vous comprenez que nous sommes malades, nous avons une mémoire de groupe et si on ne fait pas tout pour se distancier de cette mémoire collective, nous risquons malheureusement de nous voir emportés par cette maladie endémique. Vous avez également souligné que souvent, les gens se souviennent des choses mauvaises qui leur sont arrivées. Et pourquoi la situation se présente ainsi? La situation se présente ainsi parce que nous sommes rongés malheureusement par l'oralité. Si dans 10 ans, j'ai eu un problème avec une autre personne, je vais transmettre à mes enfants la mémoire littérale qui les prépare à se venger. Qu'est-ce qui devrait être fait alors pour que la situation puisse changer? La première chose à faire, c'est d'essayer de coupler cette oralité à la tradition de l'écrit. Si aujourd'hui, on commence à dire, ok, avec le contentieux électoral qui a eu en 2015, il y a eu des gens qui ont bien géré et on l'écrit. Ça, c'est une bonne chose. Et de dire par après, mais par contre, l'autre personne n'a pas bien géré. Comme ça, on évite du coup la globalisation. La deuxième chose, on va écrire la vraie histoire et les générations futures vont lire et comprendre cette mémoire, cette réalité, triste ou heureuse, mais telle que la réalité est, non pas une réalité transmise par nos cerveaux qui, à un certain moment, sélectionnent. Radio Isanganiro, chronique culture. La peinture est un art qui utilise les différentes couleurs qui se mélangent pour exprimer la pensée de l'artiste et peindre ou contribuer à la beauté du dessin. Certaines couleurs ne sont que le résultat d'un mélange, d'autres couleurs appelées couleurs primaires, comme nous le dit Mozart Naigombeye, un artiste et peintre burundais qui va nous parler de son propre style basé sur l'observation et l'imagination. C'est dans la chronique Art et Culture avec Christian Savier. Dans les précédentes chroniques Art et Culture, l'artiste peintre Christian Boudjiriri nous a parlé de sa carrière, de son style, de la place qu'occupe la peinture au Burundi et de la peinture burundaise à l'étranger. Comme promis, la Radio Sanganiro va découvrir d'autres talents cachés dans les quartiers. Mozart Naigombeye, également artiste et peintre, va nous parler du mélange des couleurs. Oui, parmi les couleurs, il y a les couleurs que je peux dire que ce sont des couleurs primaires. Ces couleurs sont à 5. Il y a le rouge, le noir, le jaune, le bleu et la blanche. Ces couleurs sont l'origine de toute autre multiplicité de couleurs. Mozart nous donne ici des exemples. Par exemple, je peux avoir besoin d'orange à partir de ces couleurs que j'ai citées. Je suis à mesure de pouvoir en trouver. Je prends par exemple, des boîtes de couleur rouge, en les mélangeant avec des boîtes de couleur jaune, je trouve directement la couleur provenant de ces deux couleurs qui est l'orange. Pour mieux comprendre, Naigombeye nous donne un autre exemple. Oui, par exemple, si tu as besoin de produire une couleur communément appelée chocolat ou un vert, tu prends des boîtes de peinture jaune, tu les mélanges avec des boîtes de peinture. Le jaune et le bleu, tu trouves directement les mêmes quantités de boîtes, ici et là, tu trouves directement le vert. Même chose si tu prends le rouge, tu le mélanges avec le bleu, les quantités qui sont égales, tu trouves directement la couleur qui est semblable aux couleurs chocolat. Mozart nous parle de son style propre à lui. Moi, j'aime dessiner les dessins d'imagination, les dessins d'observation. J'aime observer. J'aime faire des dessins de précision. Par exemple, en développant un portrait d'un individu, on ne fait qu'imiter, agrandir ou maigrir tout en respectant les mesures. L'imagination des natures, je les dessine tout en respectant les normes de ce que j'observe. Des normes à suivre, c'est ce que Mozart va nous développer dans la prochaine chronique art et culture de samedi prochain. Merci à Christian Xavier pour cette chronique. C'est par ici que prend fin la présentation de ce journal. Merci à Benoît Molichonzi pour sa mise en onde. Et merci à vous tous qui étiez à l'écoute. Richard Kougalougila était à la présentation. Et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de la radio Isanganiro. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Mkapa avoue finalement son échec. C'est la une du journal Iwachu dans sa apparition de ce week-end, faisant allusion à l'incapacité du facilitateur de réunir l'opposition et le gouvernement autour d'une même table pour tenter pour la cinquième fois de trouver une issue à la crise burundaise. L'éditorialiste de cet hebdomadaire rappelle qu'en réalité, les protagonistes ne se sont jamais affrontés pour exposer et défendre leur point de vue. Ils étaient accueillis en aparté. Pour notre confrère, Bujumbura a bien compris la faille de la facilitation, la faiblesse endémique de l'opposition et le désintérêt de la région. Mais il s'interroge sur la finalité de la feuille de route de Kayanza, à laquelle tient toujours le gouvernement, du moment que les opposants vont concocter leur propre feuille de route. L'impasse reste de mise, conclut l'éditorialiste du journal Iwachu. L'agence burundaise de presse revient sur l'adoption par l'Assemblée nationale d'un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt entre le Burundi et le Fonds OPEP pour le développement international relatif au projet de réhabilitation du tronçon Rumonge-Nyanza-Lac qui va coûter 68 millions de dollars, soit 119 milliards de francs burundais. Cette agence rapporte aussi la préoccupation des députés qui ont voulu savoir pourquoi on n'a pas priorisé le tronçon Bujumbura-Rumonge qui est très défectueux. Et la réponse du ministre des Finances qui a dit que les moyens promis par les bailleurs de fonds ne pouvaient que réhabiliter le tronçon Rumonge-Nyanza-Lac qui est moins dégradé et que la Banque africaine de développement a déjà manifesté l'intérêt de ne réhabiliter que la section Rutunga-Rumonge puisque le tronçon Bujumbura-Rumonge demande plus de moyens. Revue de la presse. Éducation, l'entérinement des diplômes et la validation des cursus universitaires soulèvent des tollés, selon le journal La Voix de l'enseignant. Il parle des étudiants d'universités privées inscrits durant l'année académique 2011-2012 qui réclament l'entérinement de leurs diplômes aujourd'hui. Ils sont estimés autour de 600 et ont étudié suivant l'ordonnance ministérielle de 2011 qui leur autorisait l'accès à l'enseignement supérieur privé, quand bien même ils n'avaient pas eu leur diplôme d'État. Le ministère de l'Enseignement supérieur rejette la demande de ces étudiants, arguant qu'ils se sont fait inscrire dans l'ancien système et ont continué avec le nouveau système BMD. Chacun, en ce qui le concerne, tire la couverture de son côté, à en croire le journal. Les parents demandent que les frais de sport soient prélevés sur le Minerval, titre encore La Voix de l'enseignant, qui rappelle que désormais, à partir de l'année scolaire en cours, les parents doivent payer une somme de 1000 francs burundais représentant les frais d'organisation des compétitions sportives. Cet ajout est jugé d'un lourd fardeau. Les parents demandent que cette dépense soit supportée par le gouvernement pour les enfants du fondamental qui jouissent de la gratuité de scolarisation et qu'elle soit retirée du Minerval et pour ceux du poste fondamental. Ils ne comprennent pas pourquoi le gouvernement se désengage pour une dépense qu'ils supportaient avant. Les mêmes parents s'inquiètent par ailleurs de la gestion de ces frais. Le magazine Burundi Echo écrit sur le code du travail. Les employés sont en effet régis par le Code du travail de 1993. À l'heure où nous sommes, soutient-il, celui-ci nécessite une révision pour l'adapter aux réalités du moment. C'est seulement dans ces conditions que certains cas d'injustice, de mauvaise gestion du personnel ou de la chose publique trouveront des solutions appropriées. Certains employés des organisations de la société civile, des sociétés privées et des institutions étatiques sont quelquefois abusivement licenciés par leurs employeurs. Dans pareil cas, la partie lésée porte plainte au tribunal du travail pour être rétablie dans ses droits. La grève des employés de la société Lumitel a fait écho dans les médias ces derniers jours. La cause, selon le magazine, c'est le non-respect du code du travail. Et Burundi Echo décrire dans un titre « Le respect du code du travail s'impose ». La communauté de blogueurs Yaga plaide pour la propreté des lieux d'aisance. Elle déplore que la plupart des bureaux des services publics n'aient pas de toilettes bien entretenues. Celles qui sont encore fonctionnelles sont verrouillées. Les visiteurs gênés sont obligés de faire une gymnastique impossible et passent à tous les coups un sale quart d'heure. Les directions générales et départements, les campus, les hôpitaux, etc. sont par nature destinés à accueillir beaucoup de personnes. Par conséquent, leur lieu d'aisance aussi. Toutefois, si vous prenez l'envie d'y aller, réfléchissez à deux fois avant. Des portes marquées à la croix indiquent que les toilettes sont hors d'usage. D'autres suintent dans tous les sens et pour y parvenir, on doit sautiller pour ne pas mettre ses pieds là où il ne faut pas. Et Yaga doit s'exclamer « Vos toilettes, messieurs les directeurs, franchement !» Et ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de presse qui vous a été présentée par Léon Sebitaliho et Jean-Bosco Nouimana. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.